La malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. Bienvenue dans l'émission La Malle de Sinbad. Moka. M-O-K-A. El Moukha. Un port. Le Yémen. Kahwa. Kawa. Café. La mousse se forme doucement à petit feu, chauffé par un mince filet de gaz brûlé. De la cerise au breuvage, il y a un long chemin que nous vous proposons d'emprunter par petits morceaux en notre compagnie. Il nous faut de la chaleur, de l'humidité aussi. Il nous faudra cramer, torréfier, transformer, brunir, extraire du goût par le feu. Un voyage aux odeurs alchimiques s'annonce. Il était une fois dans les royaumes du liquide couleur bronze. Nous ferons notre première escale non loin d'ici. Place du Barezet, aujourd'hui place François-Rude ou encore place du Carrousel, au cœur de Dijon. Installons-nous au comptoir des colonies, véritable cabinet de curiosité, tenu par Christophe Biojou, qui nous a fait grand plaisir en nous y accueillant dans le salon feutré, à l'étage. Un piano Blüthner hante le rez-de-chaussée. Des masques vénitiens guettent les visiteurs. Des fûts cuivrés, gorgés de fèves, s'alignent à l'entrée. À tout instant, les tasses sonnent le temps qui s'écoule sans crier gare. Plus haut, là-haut, des meubles en bois d'Indonésie organisent des espaces plus intimes, sous le regard d'un Jean-Sébastien Bach en buste, non loin d'une manière de samovar dorée. Des lustres de 110 kilos flottent au-dessus des boissons fumantes. Bienvenue ailleurs. Auparavant, c'était une ancienne chemiserie qui s'appelait la chemiserie Georges. Moi, auparavant, je tenais une torréfaction. J'avais créé une torréfaction et vente de thé. Rue Jean-Jacques Rousseau. D'accord, donc juste à côté de... La Place de la République, en fait. Place de la République, voilà. D'accord. Et qui s'appelait les Cafés San Cristobal. Parce que San Cristobal, pourquoi je m'appelle Christophe. Et San Cristobal, c'est une ville du Mexique. San Cristobal de las Casas. Et du coup, j'avais eu l'idée de nommer cette torréfaction San Cristobal. Et je torréfiais donc déjà rue Jean-Jacques Rousseau. J'avais créé ça dans les années 90. Et puis, en parallèle, je travaillais dans une banque. Donc, c'était pas facile. Ouais, concilier les deux. De concilier les deux. Et bon, c'est une personne qui aimait beaucoup le café et le thé, qui tenait donc la boutique. Et puis, je l'ai aidé. Moi, je m'occupais de la torréfaction. Et c'est elle qui était le plus au contact des clients. Et bon, ça vivotait, c'est-à-dire que moi, ça me permettait de payer les charges de ce magasin, le salaire de la personne, plus un petit bénéfice, mais qui était pas... Puis l'idée m'est venue de trouver un emplacement quand même meilleur, et surtout de proposer plus de consommation sur table. Et lorsque j'ai découvert donc la chemiserie Georges voulait passer la main, Donc je me suis positionné pour racheter l'affaire. Et donc là, j'ai tout cassé. Parce que bon, je fais quand même des découvertes qui n'étaient pas très sympas. Bien entendu, toujours bon, dans ce genre de situation. Et donc, les travaux ont duré au moins 6 mois. Parce que j'ai fait ça avec des amis. Au début, c'était plutôt, entre guillemets, pour le fun. Et puis finalement, le côté café a pris le dessus sur le domaine bancaire. Et là, j'ai quitté la banque. Et donc, lorsque j'ai acheté, c'était en 96, puisque j'ai ouvert en juin 97. Puis au départ, c'était plus la vente café et thé. Il y avait uniquement deux, trois tables, c'est tout. Parce qu'on avait un maire qui n'était pas très conciliant pour les terrasses, pour tout ça. Je ne veux pas le nommer. Un maire d'avant. Donc avant, c'était plutôt de la vente, c'est-à-dire que c'était pas de la consommation. Mais ça n'a pas duré longtemps. D'accord. Ça n'a pas duré longtemps, non. Ça a duré... Et en superficie, c'était équivalent à aujourd'hui ou vous avez dû agrandir ensuite? C'était juste la pointe qui donne sur la place. Et lorsque je me suis rendu compte que la consommation commençait à prendre le dessus, je me suis dit, on va remodifier les plans intérieurs. Mm-hmm. On a un peu tout chamboulé. Et on est reparti plus sur le côté conso. Alors moi, je voulais absolument vendre uniquement du thé, café, chocolat sur table. Et puis bien entendu, il a fallu suivre aussi l'envie de la clientèle. Mm-hmm. Alors du coup, on s'est mis à acheter du Perrier, du Coca, puis des boissons froides, autres. Mais toujours hors alcool. Et puis, bon an, mal an, toujours, on a changé de maire. Et lui, était quand même plus ouvert sur le déploiement de terrasses, de lieux conviviaux pour la consommation, tout simplement. Surtout que la place s'y prête. C'est quand même un espace extrêmement ouvert. Ceci dit, en 97, elle s'y prêtait sans s'y prêter, parce que elle n'était pas très bien famée. Puis donc, pour en venir à ces histoires de terrasse, bon an, mal an, le côté conso l'a pris sur la vente, ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, la consommation représente en gros, 70-75% du chiffre et 20-25% pour la vente à emporter. Vente de thé, café à emporter. Et à l'époque, la torréfaction se faisait ici ou encore à l'ancienne torréfaction, l'ancienne brûlerie que vous aviez rue Jean-Jacques Rousseau? Alors, moi, lorsque j'ai créé ici, j'ai vendu rue Jean-Jacques Rousseau. D'accord. Et la torréfaction, je l'ai déplacée juste d'une rue, puisque je torréfiais sur la rue Jean-Jacques. Oui. Et alors, lorsque j'ai créé ici, la torréfaction, je l'ai faite ici, effectivement, pour ceux qui ont connu au tout début, mais ça a duré que 2 ans. Parce que le problème de la torréfaction, c'est que... Ça sent fort, c'est une chose, mais ça graisse. D'accord. Mais ça graisse les locaux. Et vous avez des émanations de fumée qui vont graisser les murs, tous les objets. D'accord. Et c'est pas très conciliant avec la consommation. Et du coup, je me suis dit, comme j'avais un local, moi, rue Vannerie, je me suis dit, je vais transférer le torréfacteur là. Ça sera plus facile aussi pour les livraisons de sacs de café. Et aussitôt dit, aussitôt fait, du coup, j'ai transféré là-bas et j'ai modifié encore à nouveau le concept des colonies. C'est-à-dire que pendant les 5 premières années, il y a eu un chamboulement un peu rapproché du concept comptoir des colonies. Et donc, bon an, mal an, je suis arrivé comme ça, je suis en 97. Au début, on a démarré, on était 3 personnes. Et en 2007-2008, j'ai racheté un salon de thé qui s'appelait Le Glacier, qui autrefois était Place d'Arcy. D'accord. Le Glacier qui était tenu par Madame Villélard, une figure emblématique de Dijon, qui a vendu au Crédit Mutuel et qui voulait absolument continuer. Son salon de thé, et du coup elle l'avait fait à côté là. Il s'appelait toujours Le Glacier. D'accord. Une personne qui avait quand même plus de 80 ans, mais bon pied, bon oeil. Mmh. Et puis au décès de cette personne, l'opportunité s'est trouvée pour que je rachète ça. Et du coup, avec les accords des deux copropriétés, j'ai pu ouvrir pour faire un plus grand établissement. Parce qu'entre les deux, il y avait quand même deux murs porteurs de 15 mètres à enlever. D'accord, donc beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux, là, en 2006. L'établissement actuel. Voilà. Et côté anecdotique, ce qui a fait rire pas mal de monde, puis nous, on en rigole encore, c'est qu'à l'époque, on m'a dit, bon, bah, tu vas fermer, il va falloir que tu fasses des travaux. Bon, j'ai dit, non, on ne va pas fermer, on va voir ce que ça donne. Alors, on n'a pas fermé. Ouais. Et entre les deux, ce que j'ai fait, on a monté simplement des grandes plaques d'isorel, quoi. Ouais. Oui. Mais des plaques de rien du tout, hein. Mmh. Avec deux, trois chevrons pour que ça tienne debout. On a planté le décor. Alors, on faisait les travaux à côté. Et les gens buvaient. Ouais, le bruit, alors bon, les marteaux piqueurs et compagnie. Et les gens continuaient de consommer comme si de rien n'était. Même à un moment donné, je me souviens, un après-midi, il y avait deux personnes qui étaient le long des cloisons, on va dire. Et puis il y a de la poussière qui descendait. Ça ne les dérangeait pas. Alors, on essayait de les déplacer. Ah non, mais ça ne nous dérangeait pas. Alors ils mettaient carrément les menus sur les verres pour pas que la poussière aille dans les verres. Bah, imperturbable. C'est rigolo. Hein. Ouais. Et là, ce jour-là, ça m'a vraiment épaté. Je me suis dit, bah, tiens, finalement, j'ai bien fait de ne pas fermer. Et puis donc on a ouvert, c'était en 2007 tout l'ensemble. Et le but du jeu c'était de ne pas voir il fallait pas qu'on voit qu'il y ait eu une transformation. C'est que le but c'est de conserver l'entité des colonies avec les deux établissements. D'accord. Et lorsque vous rentrez, on s'en rend pas compte. Hein. On a l'impression que ça a existé depuis toujours. Le but recherché. Vous n'avez pas voulu faire deux salles avec deux décos différents? Surtout pour pas. Que voilà, les gens, s'ils ont envie plutôt, s'ils aiment plutôt ça. Voilà, non, vraiment une unité dans la décoration. Les décos différentes, c'est le salon là où on est et puis le bar. Voilà. Salon plus cossu, plus colonial, on va dire. Et le salon date de quand, pardon? Alors lui, il date de l'ouverture de. Non, il était après, en 2000. D'accord. Même chose ici, c'était deux appartements. Là où vous êtes et à côté. Et entre les deux, encore un mur porteur, vous voyez ? Ouais, on voit effectivement l'épaisseur. Qui a été enlevée. Oh, café ou d'être rentré dans la torréfaction au départ, enfin, moi, c'était une passion. La passion, oui et non. Moi, j'étais très amateur de café. D'accord. D'ailleurs, je prenais mon café, j'achetais mon café au Negro, rue Piron, qui était une figure emblématique de Dijon. Et puisque lui, il a fermé quand j'ai ragrandi. Lorsque j'ai ragrandi, oui, ça a coïncidé à peu près, puisque moi, j'ai repris ces silos à café. Les silos, ce sont les grands récipients dans lesquels on verse le café pour la vente. Ces silos, d'ailleurs, datent de l'après-guerre de 14. Puis j'étais très content qu'ils soient ici, d'ailleurs. Tout content qu'il y ait une continuité, justement, au moins sur Dijon. Et d'ailleurs, c'est lui, quand on dit au Negro, c'était tenu par monsieur et madame Massu. Et c'est lui, à l'époque, qui m'avait aussi aiguillé en me disant si tu ouvres là, c'est super bien placé, mais fais de la consommation, tu verras, c'est bien meilleur. Et il avait raison, d'ailleurs. J'ai choisi j'ai suivi son idée. Et donc, moi, j'aimais acheter mon café chez lui, mais là, ça remonte à. J'avais quoi, 25 ans. J'achetais toujours mon café chez lui. Et toujours l'idée m'est toujours venue de me dire, après tout, pourquoi pas créer une boutique de thé café. Et c'était un concept nouveau sur Dijon, une boutique de thé café, ou il y en avait déjà? Non, il y avait lui. À l'installation. Il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui. À l'époque, oui, il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui. Les gens allaient au Negro pour acheter leur café. Torréfier sur place, embaumer la rue Piron, et puis il faisait des petites torréfactions. Quoi, tous les et il se trouvait à quelle hauteur dans la rue Piron? À peu près au milieu. D'accord. Voilà, au croisement avec la rue du Bourg. Croisement rue du Bourg. Qui devient ensuite rue Berbizet, là où il y a la pharmacie, entre, aujourd'hui. Entre la rue du Bourg et puis la rue Bossuet, on va dire. Oui. Hein, toute la partie. Quand on va à place Bossuet, c'est avant. On appelait ça le Prisunique. Oui. Moi, je dis toujours prise unique. Voilà. Et lui-même, sa boutique avait duré longtemps. C'était. Il la détenait de sa tante, enfin de la, oui, de sa tante qui s'appelait Madame Schwartz, qui elle-même l'avait créée. Et lui avait repris. Donc après la Première Guerre mondiale, c'était à cette occasion-là. Oui, c'était après la Première Guerre mondiale. Lui, il avait repris et puis il est arrivé jusqu'à la retraite, puis il en avait marre. Il en avait vraiment marre. Trop content d'avoir laissé le. C'est pas ce qu'on croit quand même. La torréfaction. La torréfaction c'est une chose. Après, la clientèle en est une autre. Lui, il avait développé pas mal ce qu'on appelle les CHR, c'est livré au café, hôtel, restaurant. Oui. Mais c'était un monde à part. Et il m'avait dit toujours, surtout ne rentre pas dans ce milieu-là. J'ai suivi son conseil. C'est tout. Donc plutôt au particulier. Oui. On a quelques clients, café, hôtel, restaurant, parce qu'ils veulent absolument le prendre chez nous. Ok. On fournit, mais on ne développe pas plus que ça. Ouais. Beaucoup viennent nous solliciter, mais moi, je freine des quatre pattes. J'écoute le conseil de l'ancien. Et il n'a pas tort. Je ne vais pas dire pourquoi. On va rester discret sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus actuellement dans votre métier? Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis que vous avez commencé? Il y a des choses qui ont évolué? Évolué, oui. Disons qu'il y a une concurrence qui s'est installée un petit peu partout dans Dijon. Mais, concurrence... Ceci dit, moi, je suis le seul torréfacteur, disons, à torréfier sur Dijon. Ouais. Les autres se faisant livrer du café torréfié, soit par des importateurs, soit par des torréfactions hors département. Donc moi j'aime bien le côté artisanal, puisque je dépends du domaine de l'artisanat par le fait. Et donc je torréfie rue Vannery et toutes les origines de café. Mais est-ce que vos clients sont au courant justement que vous êtes le seul café à torréfier le café sur Dijon? Certains le sont certainement, et d'autres non. Et d'autres pas du tout, mais c'est pas du tout ce que vous mettez en avant. Ah non, pas du tout, non. C'est à la clientèle de faire la part des choses maintenant. S'ils reviennent, c'est qu'ils aiment le café, tout simplement. Il y a un suivi de torréfaction, puis on améliore certains cafés, on le met aussi au goût de la clientèle. Parce que les goûts diffèrent aussi en fonction des régions en France. Hein. En France et en fonction aussi des pays. Hein. Et comment ça se marque alors justement ? Comment ça se traduit cette différence de goût ? Ben, ici, si vous voulez, les gens préfèrent des cafés plutôt doux, enfin moyennement corsés. Oui. Contrairement au sud de l'Italie, voire carrément au nord de la France, où ils aiment des cafés très, très poussés en torréfaction. Ceci dit, bon, ben, moi je torréfie certains cafés de manière un peu plus poussée, parce qu'ils en nécessitent le besoin aussi. Et alors, en quoi ça consiste finalement la torréfaction ? Quelles sont les différentes étapes entre le moment finalement où les grains sont livrés et le moment où... Il est dans le tasse à café. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments, ces deux extrémités de la chaîne ? On part des pays producteurs, où là, moi, interviennent les importateurs. Donc nous, on travaille avec deux importateurs, un qui est sur Bordeaux, basé à Bordeaux, et un au Havre. Depuis toujours, et bon, on fait travailler un peu les deux, et donc sélectionne les cafés sur place. Et nous, du fait que l'on propose quand même un gros panel d'origines, puis on propose à peu près 15 origines ou mélange maison, eh bien, eux font le choix, et donc nous, on passe des contrats avec eux à l'année. Pour essayer d'avoir une régularité aussi dans les coûts, maîtriser les coûts d'achat. Parce que bon, le café est une matière première et on part donc des cotations boursières qui sont très volatiles parfois, très spéculatives. Là, on est dans un marché plutôt, on va dire, stagnant, heureusement pour nous. Mais en quelques jours, il peut exploser le marché. Il peut être multiplié par deux, voire par trois. Hein. Ça, c'est... Donc on passe des contrats à l'année pour avoir justement cette régularité. Et on nous livre donc rue Vannerie les sacs de café qui nous arrivent verts. Et à partir de là, on les torréfie. Et donc on les torréfie soit en origine pure, soit on propose des mélanges maison. Donc mélange maison, on en a que deux. On a un mélange maison qui s'appelle le colonial, comptoir des colonies. Mélange italien, parce que bon, c'est au goût italien. C'est plutôt goût italien, mode italienne. Alors quand vous dites mélange maison, c'est que vous mélangez des graines de café qui n'ont pas la même origine ? C'est ça. D'accord. Alors comment vous faites le choix entre telle graine et telle graine ? C'est un feeling ? C'est un feeling, et puis bon aussi, c'est les anciens m'ont aidé. D'accord. Notamment, pas Massieu Negro, mais c'était un torréfacteur de Beaune qui a fermé depuis, qui s'appelait François Rudloff, qui situait rue Poterne. Il a fermé pour des causes de maladie il y a quelques années. Et lui, au départ, donc ça, c'est lorsque j'étais rue Jean-Jacques Rousseau, oui. Lui m'avait un petit peu formé là-dessus et il m'avait donné tout son. Comment dire, je m'avais aidé dans toutes ces connaissances de café qu'il avait acquis au fil des années. Et après, j'ai fait ma propre expérience. Parce que vous avez certains cafés qui se marient avec d'autres et vice-versa, d'autres ne supportent pas les mélanges. D'accord. Certains cafés supportent une torréfaction poussée, d'autres non. C'est tout un art. Et l'opération de torréfaction, elle consiste en quoi exactement ? Donc il y a une machine. Machine qui s'appelle donc le torréfacteur. Alors le torréfacteur qui est Ruvenerie, lui, il a une petite histoire aussi parce que je suis allé le chercher dans les années 90 dans une petite rue qui était derrière les Champs-Élysées où c'était une petite dame qui torréfiait depuis des années. C'était marrant, enfin, je dis une petite dame parce qu'elle était passée petite à côté du torréf. Mais elle avait mis un escabeau pour pouvoir accéder, charger le café vert dans l'entonnoir pour la torréfaction. C'était marrant. Et lorsqu'on est arrivé, elle vendait son torréfacteur parce qu'elle partait au Canada. Pourtant, elle ne me paraissait pas bon. Je vais partir au Canada, pourquoi ? Oh, j'ai des ennuis et puis non, je veux quitter la France. Donc j'ai vendu ma boutique, mais je ne sais pas quoi faire du torréfacteur. Donc nous, on est parti avec le torréfacteur démonté parce qu'on ne pouvait pas le sortir. Ça, il fallait casser toutes les vitrines. Ah ouais. C'est anecdotique, ça aussi. Et du coup, on est reparti avec le torréfacteur en morceaux et on l'a remonté à rue Vannerie. Il a quelle capacité? Combien on peut mettre de kilos? Là, on fait 15 kilos à la fois. D'accord. C'est-à-dire qu'on verse 15 kilos de café vert. Vous avez un four tournant avec des pales pour le brasser à l'intérieur et une rampe à gaz qui chauffe l'ensemble. Et une torréfaction dure entre, on va dire, 15-20 minutes. Tout dépend de ce que l'on recherche, si c'est une torréfaction poussée ou non. Alors, il faut faire très attention parce que, une torréfaction poussée, plus elle est poussée, plus il y a de risque d'incendie. Alors, quand je dis incendie, non, écarquillez pas trop les yeux. On va pas brûler le bâtiment pour autant. Non. Ça sent très fort tout d'un coup parce que lorsque vous torréfiez, il y a en même temps, vous avez des parches qu'on appelle des parches. C'est ce qui enveloppe le grain de café. Donc, quand on dit grain de café, c'est la cerise à la base. Le grain de café et ces parches, si vous voulez, sont très volatiles. D'accord. Donc elles partent, une partie part dans le conduit de cheminée et l'autre dans la partie inférieure du torréfacteur, je vous montrerai. Et là, si on oublie de les vider, après chaque torréfaction, si jamais il y a une étincelle qui va dedans, c'est comme de la poudre à fusil. Hein, ça brûle, mais alors à une vitesse et ça peut se propager dans la cheminée. Or, à un moment donné, on a utilisé quand même pas mal d'extincteurs, pour ne pas vous le dire. Mais là, ça va, depuis pas mal d'années, il n'y a plus de problème. Le coup de main est pris, mais bon, c'est toujours pareil, avec les vieux appareils, c'est... Bon, maintenant, je suppose qu'ils ont modifié le concept des torréfacteurs, c'est qu'ils font des appareils plus modernes, qui sont moins enclins, oui. Mais même François Rudloff, lui brûlait, je ne veux pas dire tous les mois, mais quasi. Donc on en était où? La torréfaction. La torréfaction, oui. Il pouvait y avoir différents types de café, différentes origines. Mais oui, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme différence finalement entre ces... Alors, entre ces à Dijon, enfin à Dijon, ici, les gens aiment bien les origines pures. Parce qu'ils aiment bien goûter à République dominicaine. Enfin, on dit Saint-Domingue, mais bon, on était sur la République dominicaine ou à... J'en sais rien, à Moka. Moka. Alors, même chose, Moka, on propose... plusieurs mochas parce que bon, on en a combien, 4, et ça permet de découvrir cette, ce berceau un peu emblématique du café. Et oui, à Dijon, ce qui est surprenant, les gens sont très mochas. On propose ça vous intéresse de... Ah oui, ah, bah, les régions de mocha, bah, vous connaissez un peu peut-être mocha. Attends. Ara, mocha, oui. Lekanti. Le Sidamo aussi. Le Sidamo. Alors, Ara, Sidamo sont des grands crus. Donc, les Lekanti. Depuis un an ou deux, là, on propose un mocha qui s'appelle Guraferda. C'est une petite ferme, donc, petite ferme bio. Et puis, du coup, ben, on propose leur café qui est original. Alors, attention à la torréfaction là-dessus aussi. C'est un peu plus délicat à torréfier. Oui. Voilà. Et Moka, après, bon, en origine, si ça vous intéresse, on a quoi? On a donc République dominicaine. Si on va un peu sur l'Amérique centrale, Guatemala, Costa Rica. Alors, Guatemala, Costa Rica, SHB. Ce qui veut dire Strictly Harbin, uniquement les grosses fers. D'accord. Ah, c'est précis. Le colombien, Colombie Excelso ou Supremo. Le Venezuela aussi. Venezuela, non, on ne le propose pas parce que c'est un peu le même esprit que le Costa Rica. Donc, ça ferait double emploi. Oui. Après, on a fait l'impasse sur le Kenya, qui est un grand cru, si on revient sur l'Afrique. Kenya, mais parce que c'est un café très acide. Et les Dijonais ne sont pas très café acide. D'accord. Ils recherchent plus le velouté. Le... Voilà. Et donc ils sont plutôt sur côté Corne de l'Afrique Yémen ou plutôt sur, sur la zone Caraïbes, Amérique centrale? On va dire les deux, mais peut-être plus porté sur l'Afrique, Yémen, oui. Éthiopie, Yémen. Oui. Et il y a vraiment. Congo un... aussi, bord du lac, oui. Il s'appelle. Oui. Il y a vraiment un nom qui émerge, il y a vraiment un type de café qui se vendrait beaucoup plus que les autres. Ou finalement c'est assez réparti. Non, c'est assez non, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui part plus qu'un autre. Alors après nous le côté consommation permet aussi de réguler. Alors on dit toujours aux gens ne prenez pas systématiquement celui où il y en a le moins. Oui. C'est pas celui qui part le plus, ça veut rien dire, hein. Puis moi bon bah, j'approvisionne voilà les étouffoirs, c'est-à-dire lorsque l'on vient de torréfier, on met le café dans des étouffoirs. Son ruvanerie, et puis j'amène au fur et à mesure des besoins. Ce qui fait qu'on propose toujours des cafés très frais. D'accord. Vous n'aurez jamais un café qui a végété une semaine dans un silo, c'est pas possible. Vous voyez ? Alors, du fait de conserver une qualité de fraîcheur optimum. Et de torréfier sur place. Évidemment. Et de torréfier sur place, bien entendu. Ça fait la grande différence. Bien sûr. Parfois même, bon, bah, quand il y a trop de consommation, bah, le café arrive chaud, il a tout juste le temps de comme la poudre, il n'a pas eu le temps de refroidir. Il n'a pas eu le temps de refroidir. Normalement, il faudrait attendre 48 heures. Ouais. Mais bon, parfois, il n'a pas le temps. Tant mieux, hein, ceci dit. Et à certains moments de l'année, vous avez des offres particulières, notamment au moment des fêtes. Ah oui, au moment des fêtes, bah, on propose 2-3 cafés un petit peu originaux. Qui se vendent bah, aussi de par leur rareté et puis le prix, notamment le Jamaïcain, bon, qui lui quand même a été déclaré café meilleur au monde. Bon, fameux Blue Mountain. Il y a pas mal d'années par les Japonais, alors depuis il est très prisé. C'est un très bon café, mais moi je trouve que, eu égard au prix, on se fait aussi. Comment dire, aussi plaisir avec une République dominicaine qui pour moi est tout à fait aussi bon mais bien moins cher. Donc là on en a toujours, hein. Ouais. D'ailleurs je vais en faire là, ces temps-ci parce qu'on commence à nous en demander, mais j'en ferai, voilà. Les gens vous passent commande carrément? Ah oui, bien sûr. D'accord. Oui, oui, on a des commandes. Il y a même des chocolatiers de renom sur Dijon qui veulent du café pour faire leur chocolat. Le gâteau, là, bien sûr. Ou le thé. Parce qu'il y a aussi le thé. Nous, on représente la maison qui s'appelle Mariage Frère à Paris, qui est très prisée aussi. Qui effectivement, il fait partie des grands noms oui. du thé voilà. de France. Voilà. Ce sera plus dégueu. La malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographies et podcasts sur le site internet de Radio Culture.